Chapitre 4e. L'essai de l'avion atomique. Mon cher beau-frère, dit Denis Flavien, je vous présente mon mari, le lieutenant Pierre Flavien. Ma chère belle-sœur, mon cher lieutenant, je vous présente notre ami l'inspecteur principal Paul Barre. Paul Barre n'est pas un simple inspecteur de police. C'est un homme du monde appelé par une vocation invincible dans sa profession. Il devait être diplomate, il a préféré être inspecteur de police. C'est lui qui sera votre ange gardien. Avec lui, vous êtes au mieux défendu contre le danger d'espionnage. Il voit tout. Je remercie, monsieur l'inspecteur, fit Denis Flavien. Sa voix tremblait, elle était émue. Mon ami Mesmin, mon chef de cabinet, vous effraie, madame, en vous laissant penser qu'il y a quelque danger pour votre cher mari, dit à son tour le ministre de l'Intérieur. Mon collègue de l'air allez vous rassurer quant au merveilleux appareil que vous allez essayer, le premier avion atomique du monde. Mais moi, je dois vous rassurer quant au merveilleux appareil que vous allez essayer. Les espions, ne redoutez rien, monsieur Paul Barre vous garde. Paul Barre ne disait rien. Il avait baisé fort galamment la main de madame Flavien, et maintenant, il examinait le couple que faisaient les deux visiteurs du ministre. Toutefois, ne voulant pas rester muet plus longtemps, il demanda « Comment êtes-vous venu de Casablanca ?»« Par l'avion régulier jusqu'à Toulouse, ma femme et moi. Là, j'ai demandé un appareil et nous sommes arrivés par la voie des airs au Bourget. J'ai voulu ainsi écarter les espions, si espions il y a. »« Je serai, dit Paul Barre d'un ton profond, je serai votre ombre discrète, madame et monsieur. » Il regardait Denis Flavien. « Vous pourrez à tout moment du jour et de la nuit me faire appeler. » »« Votre précieux concours, heureusement, ne me sera pas longtemps imposé. L'essai de l'avion que je dois monter aura lieu après-demain matin à 7 heures à Villacoublay. » Quelques heures plus tard, Paul Barre dépouillait les rapports de ses agents subalternes. Il relevait la surveillance du comte de Portogono. Celui-ci n'avait pas été vu ôter du palace depuis le départ de Denise. Mais pris en filature, il était venu à plusieurs reprises dans les environs du grand hôtel depuis le retour de celle-ci. De son côté, Paul Barre avait appris par son ami, le propriétaire de l'établissement, que Denise et son mari avaient loué pour eux au grand hôtel, pour la durée de leur séjour, un appartement à 2 chambres. Et ce petit détail l'avait quelque peu étonné de 2 jeunes époux dont une épouse d'une telle grâce, d'une telle beauté. Il faisait cette observation d'un ton léger, cependant que Paul Barre l'écoutait fort sérieusement. Le matin du premier essai, Paul Barre était là en personne, mais ses hommes étaient disséminés sur l'aérodrome de Villacoublay et ses environs. Mais pas un seul des espions connus ou même suspects ne s'était laissé voir. L'essai semblait vraiment avoir lieu avec la plus grande discrétion. L'aviateur était parfaitement calme, maître de lui. S'il restait grave, c'était à cause de son visage naturellement mâle, énergique, parfois dur. Mais Denise était fort pâle, ce qui s'explique quand on sait l'importance de l'expérience qui allait être tentée. Outre les membres de la commission de réception, il y avait là le ministre de l'Air, celui de l'Intérieur et le chef d'état-major. L'appareil, sorti du hangar par les ingénieurs eux-mêmes, surpris par sa forme étrange et inconnue. Les ailes étaient courtes, pas d'hélice. Une turbine seulement à l'avant, une seule. L'engin, si ramassé, paraissait lourd. L'aviateur y monta très simplement, un ingénieur à ses côtés. L'ingénieur, lui, était blême, presque autant que Denise. Ce fut très simple, pas de cale à enlever. L'appareil partit sur la piste, roula à peine, et d'un coup, comme s'il faisait un saut, bondit dans les airs. Puis, presque instantanément, il se perdit dans la nue. Ce fut tout. Quelques minutes plus tard, il réapparaissait et venait, après une descente vertigineuse, se poser tout doucement sur le sol, au point même d'où il s'était enlevé. Des bravos éclatèrent. « Eh bien, vos sensations de vol ?» demanda le ministre de l'Air. « C'est splendide, c'est un merveilleux outil de guerre. On peut faire avec cela du bon travail contre l'ennemi. On peut lui tuer du monde ?»« Sans doute, » fit le ministre un peu surpris, « mais on peut aussi, avec cet appareil, être utile à l'humanité. » Paul Barre, au premier rang, entendait, écoutait ses paroles. Une heure après, il était dans le bureau du chef de la sûreté. Celui-ci était rayonnant. « Je viens de voir les ministres, » dit-il, « celui de l'air et celui de l'intérieur. Leur joie patriotique fait plaisir à voir, et je la partage. Quel succès, quelle victoire. Nous en avons la gloire, et nous en gardons le secret. » Mais Paul Barre avait un visage fermé. Il dit avec une ferme simplicité, « Et crime, chef, on ne parle plus de crime. » Le chef de la sûreté eut un geste évasif. « Que me répondrez-vous si je vous disais que celui qui connaît le mieux notre avion atomique, c'est... »« C'est celui qui l'a piloté ce matin. » »« En effet. » Il prit un temps, puis... « C'est crime. Vous êtes fou. » « Oui, crime qui en a fait l'essai ce matin. » La sonnerie du téléphone retentit. « C'est à vous qu'on demande, » dit le chef de la sûreté. « Comment vous téléphone-t-on d'ici ?»« J'ai dit à Madame Flavien, vous pourriez à tout moment du jour ou de la nuit me faire appeler. Je lui fais savoir où je suis, d'heure en heure. » Il avait pris l'appareil. « Bien, » dit-il, « j'y vais, nous y allons. »« Qu'est-ce que c'est ?»« C'est Madame Flavien. Prenez votre pistolet, chef. Allons. »